لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله في كتابه كشف الشبهات: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc l'auteur rahimahullah, il nous dit toujours dans Kashf al-Shubuhat: mais les associateurs ont une autre ambiguïté qu'ils amènent à propos de cette histoire. Cette histoire, c'est celle qu'il a citée juste avant, lorsqu'il a cité que Banu Israël et que les compagnons radiyallahu anhum ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ija'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Et Banu Israël, ils avaient dit à Moussa ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Donc au sujet de cette histoire, ils disent que Banu Israël, ils n'ont pas mécru en faisant cela. Et également ceux qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur donner un arbre par lequel ils tireraient la baraka, ils n'ont pas mécru en demandant cela. Donc ils disent: pourquoi citer ces deux récits alors que ni Banu Israël ni les musulmans n'ont mécru en demandant cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Banu Israël en demandant cela à Moussa. Contrairement aux autres récits qu'il a cités, comme Banu Hanifa, ou bien ceux que Ali ibn Abi Talib a brûlé, ou bien également Al-Ubaydiyin, etc. La réponse est de dire que Banu Israël, ils n'ont pas fait cela. Également, ceux qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas fait ce qu'ils demandaient. Et il nous dit: il n'y a pas de divergence sur le fait que si Banu Israël avait fait ce qu'ils ont demandé à Moussa, c'est-à-dire de prendre une autre divinité comme certaines personnes possédaient des divinités, ils auraient alors mécru. Également, ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit donc de prendre un arbre comme source de baraka, s'ils l'avaient fait après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit cela également, ils auraient mécru. وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ. Et donc c'est cela qui est demandé, et c'est pour ça que l'auteur rahimahullah a cité ces deux récits. Il nous dit que cette histoire nous apporte que le musulman, peut-être même l'alim, le savant, il peut tomber dans du polythéisme, قَدْ يَقَعُ فِي أَنْوَاعٍ مِنَ الشِّرْكِ, sans le savoir. C'est pour cela donc qu'il faut apprendre cela et y prendre garde. Et il faut également savoir que l'ignorant qui dit « التوحيد فهمنا التوحيد, nous l'avons compris que cela fait partie des plus grandes ignorances et parmi les ruses du diable. Et cette histoire également nous apporte que le musulman, le mujtahid, c'est-à-dire celui qui a des mauvaises interprétations des textes, lorsqu'il prononce une parole de mécréance sans le savoir et que une personne donc lui fait la remarque et lui dit que ce que tu viens de dire est une mécréance et qu'il se répand à ce moment-là, il ne mécroit pas. Donc s'il dit une parole de mécréance sans le savoir et que tout de suite une personne lui fait la remarque et qu'il se répand automatiquement, il ne mécroit pas. Comme donc ils ont demandé de leur donner une divinité, eux ils ont demandé that anwat et ils n'ont pas mécru, comme ce qui est arrivé à Banu Israël et ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prendre un arbre. Mais également on tire de cette histoire que même s'ils n'ont pas mécru, il faut que le blâme et la réplique soient durs. Car donc la personne, si elle a dit une parole de mécréance, il faut que le blâme soit dur, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les frères, avancez, barakallahu fikoum. فهذه ليست شبهة جديدة بل هي ملحقة بالشبهة السابقة. ففي آخر ما ذكرنا أن المؤلف رحمه الله في شبهة التاسعة رد على شبهة المشركين أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وصلى وصام وحج وزكى إلى غير ذلك من شعائر الإسلام فإنه لا يكفر. فالمؤلف رحمه الله بين لهم أن الإنسان إذا فعل شيئا مما يخالف الشريعة فإنه يكفر بذلك, وذكر يعني أمثلة كثيرة. ذكر قصة العبيديين, وذكر كذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وذكر كذلك قصة قبيلة بني حنيفة الذين قالوا أن مسيلمة الكذاب نبي, وكذلك ذكر الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة في غزوة تبوك وأنهم كفروا بذلك مع أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جاهدوا معه. وفي آخر جوابه ذكر قصتين. القصة الأولى قصة بني إسرائيل عندما نجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون, مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة, قال إنكم قوم تجهلون. والقصة الثانية التي ذكرها المؤلف هي قصة الصحابة رضي الله عنهم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة نوعا من الشجر سيعلقون بها أسلحتهم وستنزل البركة على هذه الأسلحة بسبب تعليق الأسلحة بها. Donc cette ambiguïté, ce qu'on vient de lire, ce n'est pas une nouvelle ambiguïté. En fait, elle suit l'ambiguïté précédente, la neuvième. Donc l'auteur, rahimahullah, il avait répondu à l'ambiguïté des polythéistes disant que celui qui dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah » qui prie, qui jeûne, qui donne la zakat, qui fait le hajj, qui fait le jihad, etc., on ne peut statuer qu'il peut être polythéiste, quoi qu'il fasse. Et l'auteur, rahimahullah, donc il a répondu à cela en disant que la personne, quoi qu'elle fasse, si elle fait une chose contraire à l'islam, une chose de mécréance, elle a mécru. Même si elle prie, même si elle jeûne, même si elle donne la zakat, même si elle hajj. Il a cité plusieurs exemples à cela. Il a cité comme exemple ceux que Ali ibn Abi Talib radiallahu an a brûlé par le feu. Il a cité également l'Ubaydiyin, donc ceux qui ont suivi Ubayd ibn Maymoun. Et il a cité également ceux qui se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Il a cité également ce qui est arrivé avec la tribu de Bani Hanifa qui avait prétendu que Musaylama al-Kazzab était prophète. Et à la fin, il a cité donc deux histoires. La première, c'est que Banu Israël, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala les a sauvés de Pharaon et son armée, ils sont passés à côté d'un peuple qui adorait des divinités. Et ils ont dit alors à Moussa, « Ija'al lana ilahan kama lahum aliha » Donne-nous une divinité comme ces gens-là ont la leur. Et il a cité également le récit des compagnons radiyallahu anhum qui, après la bataille de Hunayn, l'année 8 de l'Hégire, sont passés à côté d'un arbre. Un arbre sur lequel les associateurs accrochaient leurs armes en espérant qu'il y ait de la baraka ensuite dans leurs armes. Et ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, donne-nous ce même type d'arbre afin que l'on accroche nos armes comme le font les associateurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que votre parole est la même que celle qu'on dit Banu Israël et Moussa, ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Donc ce que l'on vient de lire, ça suit cela. C'est-à-dire qu'eux, ils disent, pourquoi avoir cité ces deux récits alors que ni les compagnons ni Banu Israël n'ont mécru en disant cela. Lorsque Banu Israël ont dit à Moussa, ija'al lana ilahan kama lahum aliha, lorsque les compagnons ont dit ija'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat, ils n'ont pas mécru par cela. Donc pourquoi citer cela alors que les exemples qu'il a cités l'auteur rahimahullah juste avant, comme Banu Hanifa, comme ceux qui se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, comme l'Ubaydiyin, donc tout cela sont des mécréants. D'accord? Donc l'auteur rahimahullah, il cite pourquoi il a cité ces deux exemples. Donc la réponse, inna bani Israël lam yaf'alu dhalik. وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف في أن الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوا واتخذوا ذات أنواط بعد النهي لكفروا. Il nous dit pourquoi il a cité cela, car c'est vrai qu'ils ne l'ont pas fait, mais s'ils l'avaient fait, ils auraient mécru automatiquement. Donc si Moussa, lorsqu'il leur a dit innakum qawmun tajhalun, vous êtes un peuple ignorant à demander cela, si ils avaient désobéi à Moussa et ils avaient pris une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils auraient alors mécru. Pareil pour ceux qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir un arbre sur lequel ils accrocheraient leurs armes. S'ils n'avaient pas obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils avaient pris cet arbre, ils auraient alors mécru. Donc c'est pour ça que l'auteur, rahimahullah, il a cité ces deux récits. ثم شرع المؤلف رحمه الله يبين لنا الفوائد التي تفيده أو التي تفيدها هذه القصة. يقول أن هذه القصة تفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن نقول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. معنى ذلك أن إذا قرأ المسلم هذه القصة فإن قراءته تدفعه إلى تعلم التوحيد وأن يتحرز منها، يعني يجعل بينه وبين الشرك حرزا وقاية وذلك بالتعلم. ويقول أن من قال التوحيد فهمنا، من الناس من يقول التوحيد لا نحتاج أن ندرسه فقد فهمناه، نريد أن نتعلم الفقه ونريد أن نتعلم السيرة النبوية ونريد أن نتعلم التفسير والحديث إلى غير ذلك. يقول أن من قال ذلك فهو جاهل، وأن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. فالتوحيد هو أول ما ينبغي على المسلم أن يتعلمه، لأن الجهل بالتوحيد قد يوقع الإنسان في الشرك، قد يوقع الإنسان في الشرك فيحبط عمله بذلك. يقول الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: فلا يزهد في التوحيد، فإن بالزهد فيه يقع في ضده، يعني في الشرك. وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم إعطائه حقه ومعرفته حق المعرفة، وظنوا أنه يكفي الاسم والشهادتان، ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كماله، هل هو موجود أو مفقود. هذا كله من عدم التحرز ومعرفة ألفاظ التوحيد لفظة لفظة، من الذي عرف التوحيد كل المعرفة، وأصله ولله الحمد معروف، ولكنه أقسام وفروع وشعب، وضده الشرك له فروع. Donc l'auteur rahimahullah ensuite il a commencé à nous citer les leçons à tirer de ce récit, c'est-à-dire le récit de Banu Israël, comme le récit des compagnons qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur donner un arbre, that anwat. Il nous dit premièrement, cela nous donne comme leçon qu'il faut apprendre le at-tawhid et prendre garde à l'association. Et il nous dit également que la parole de l'ignorant qui dit at-tawhid ou fahimna, que cela fait partie des plus grandes ignorances et des ruses du diable. Car donc, Banu Israël, malgré donc qu'ils ont vécu avec Moussa alayhi salam, également les compagnons radiallahu anhum, malgré que la plupart des beaucoup de compagnons qui sont sortis avec le prophète sallam à Hunayn sont ceux qui venaient juste d'embrasser l'islam après la conquête de la Mecque. Donc ces gens-là, donc les compagnons, également Banu Israël, ils ont prononcé une parole de mécréance en disant Ija'allana ilahan kama lahum alih. Assieds-toi. Également les compagnons, ils ont dit Ija'allana dhat anwatin kama lahum dhat anwat. Donc ça c'est des paroles de mécréance. Donc, cela nous incite, nous, à apprendre le tawhid et à prendre garde afin de ne pas tomber dans cela. Et l'auteur également, il nous dit que la personne qui dit le tawhid ou fahimna, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons compris. Il y a beaucoup de gens qui disent des cours sur le tawhid, ce n'est pas utile, car le tawhid, nous l'avons compris. Il nous dit que cela fait partie des plus grandes ignorances et parmi les ruses du diable. Donc si les compagnons, radiyallahu anhum, malgré qui ils sont, Banu Israël, qui ont vécu avec Moussa alayhi salam, qui ont vu les miracles d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils sont tombés. Dans quoi ils sont tombés? Donc nous devons prendre garde à plus forte raison en apprenant at-tawhid et en prenant garde de ne pas tomber dans son contraire qui est al-shirk. الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله il nous dit il ne faut pas s'abstenir ou bien minimiser التوحيد, car celui qui minimise le التوحيد tombera dans son inverse, c'est-à-dire الشرك. Et il nous dit que ceux qui ont péri, c'est-à-dire qui sont tombés dans le polythéisme, car beaucoup de gens comme on a pu le voir prétendent être musulmans, mais ils adorent autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc ils prétendent être musulmans, ils disent la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, mais en contrepartie, ils font des actes où ils adorent autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il nous dit que ces gens-là qui ont péri, ils n'ont péri que du fait qu'ils n'ont pas donné au tawhid son droit. C'est-à-dire en disant at-tawhid fahimna. Tawhid, on a compris, on n'a pas besoin de l'apprendre ni de lire des livres sur tawhid. Et donc tawhid, on a compris, c'est la ilaha illallah. Et le fait qu'il n'ait pas donné au tawhid donc son droit, c'est à cause de cela qu'ils sont tombés dans cela. Et ils ont pensé qu'il suffisait d'avoir un nom musulman, de prononcer les deux shahada pour faire d'eux des musulmans toute leur vie. Comme on a pu voir précédemment, on a kama yukhalifu l'islam, il y a des choses qui font sortir la personne de l'islam. Donc comme on a pu voir précédemment pour Banu Hanifa, pour Ladina ghalaw fi Ali ibn Abi Talib, comme on a pu voir pour ceux qui se sont moqués du prophète sallam, etc. Donc la personne qui ne connaît pas cela, elle peut tomber dedans. Donc ils n'ont pas, ils se sont contentés de nom des deux shahada sans connaître l'inverse du tawhid. وَذَا كُلُّهُ مِنْ عَدَمِ التَّحَرُّزِ. Donc tout cela car ils n'ont pas fait attention et ils n'ont pas appris les paroles du tawhid parole par parole. Donc il nous dit que tawhid, la base du tawhid, c'est vrai qu'elle est connue. أَصْلُهُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ma'ruf. Mais il faut savoir que tawhid également possède beaucoup de sortes, beaucoup de ramifications. Donc il est pareil pour l'inverse. Donc il y a al-shirk al-akbar, al-shirk al-asghar. Donc tout cela, il faut que le musulman le connaisse afin d'y prendre garde. Wa tufid hadhihi al-qisah aydan anna al-muslim al-mujtahid idha takallama bi kalam kufr wa huwa la yadri fanubbiha ala dhalika wa taba min sa'atihi annahu la yakfur kama fa'ala banu isra'il wal ladhina nahahum an-nabi sallallahu alayhi. Donc la deuxième leçon à tirer, c'est que le musulman, al-mujtahid, c'est-à-dire celui qui a une mauvaise compréhension des textes. Ça ne veut pas dire al-mujtahid dans le sens au sol, la personne qui fait des fatwas sur Nawazil. Al-mujtahid, c'est celui qui il fait une chose en ayant une mauvaise compréhension d'un texte. Cette personne prononce une parole de mécréance, comme l'ont fait Banu Israël, comme l'ont fait certains compagnons dans le hadith que nous avons cité, sans le savoir, فَنُبِّهَا عَلَى ذَلِكَ, et que la personne lui fait la remarque, une personne lui fait la remarque, et qu'il se répand aussitôt, أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ, c'est-à-dire qu'il ne mécroit pas par cette parole. Comme donc, cela a eu lieu pour Banu Israël et pour l'Asie, pour ceux qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur donner un arbre sur lequel ils accrocheraient leurs armes. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الكتاب يقول وتدل هذه القصة على أن المسلم إذا قال ما يقتضي الكفر جاهلا بذلك ثم نبه فانتبه وتاب في الحال فإن ذلك لا يضره لأنه معذور بجهله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لو استمر على ما علمه من الكفر فإنه يحكم بما تقتضيه حاله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله nous dit dans son explication du livre que ce récit nous montre que le musulman, lorsqu'il dit une parole de mécréance par ignorance et que une personne lui fait la remarque et que tout de suite il revient et se répand, il nous dit que cela ne lui nuira en rien. ذَلِكَ لَا يَدُرُّ, car il est excusé par l'ignorance. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'éprouve aucune âme au-dessus de ses capacités. Il nous dit, mais si il continue, donc sur sa parole, après avoir eu connaissance que c'était une mécréance, à ce moment-là, on statue de lui de ce qu'il mérite. وتفيد هذه القصة أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم في الإنكار. النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم في الإنكار عندما قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى, قال فمن هذه من غيرهم. Donc il nous dit que même s'ils n'ont pas mécru en disant cette parole, il faut que le blâme soit dur. Il faut que le blâme soit dur. Il ne faut pas que le musulman qui entend une parole de mécréance prononcée par une personne qui prétend l'islam, ou bien même par un autre musulman, un mécréant, qu'il laisse passer cela. Il faut que le blâme soit dur, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Donc lorsqu'ils ont dit « اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط » Donne-nous donc un arbre sur lequel on accrocherait nos armes comme possèdent cela les polythéistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Allahu Akbar » C'est-à-dire il a dit « Allah est le plus grand »« Innaha sunan » Donc voilà la pratique des peuples qui nous ont précédés. Il a dit, vous, par celui qui détient mon âme entre sa main, vous avez dit la même parole qu'a dit Banu Israël Ali Moussa. Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Donne-nous une divinité comme ces gens-là possèdent la leur. Il a dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, vous allez suivre les pratiques de ceux qui vous ont précédés. Hadwal quzati bil quzza. C'est-à-dire, pas à pas. Vous allez suivre les pratiques de ceux qui vous ont précédé pas à pas. Même s'ils rentraient dans un terrier, c'est-à-dire un terrier d'animal, vous les suivriez. Vous les aurez suivis. Donc le prophète dit que les musulmans, enfin certains musulmans, vont suivre les nations qui les ont précédés dans l'égarement. Même s'ils allaient à rentrer dans un terrier, les musulmans ou certains musulmans les suivraient. Les compagnons radiallahu anhu, ils ont dit Ya Rasulallah, al-Yahoud ou al-Nasara, est-ce que tu parles des juifs et des chrétiens? Il a dit Famen, c'est-à-dire qui à part eux. Donc il nous dit que certains musulmans vont suivre les pratiques des juifs et des chrétiens pas à pas. Wa sadaqa Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète a dit vrai. Donc il y a à l'heure actuelle des musulmans qui, donc dans les adorations, ont des adorations semblables à celles des juifs et des chrétiens. Certains, par exemple les chiites, leurs rites sont proches des rites des juifs. Et parmi les musulmans, surtout ceux qui sont proches du soufisme, etc., leurs rites sont proches de ceux des chrétiens. Ils adorent Allah tabaraka wa ta'ala sans science. غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين هم النصارى. Et même dans les choses mondaines, beaucoup de musulmans suivent donc les pratiques de ceux qui nous ont précédés. ثم قال المؤلف رحمه الله وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله قائلا له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجاهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله, وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله, وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن التثبت معنا. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا إذا تبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: إنما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد، مع كونه من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة. فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتج بها ما ذكرناه. Donc, une autre ambiguïté ici. Il nous dit que les polythéistes, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé Usama ibn Zayd. Car Usama ibn Zayd, radiallahu an, il a tué une personne après qu'il ait dit la ilaha illallah. Donc, dans une bataille. Donc, il est venu vers lui pour le tuer. Et l'homme a dit la shahada. Usama ibn Zayd a pensé qu'il a dit cela pour rester en vie, donc il l'a tué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a blâmé en lui disant: Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. L'as-tu tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Il m'a été ordonné de tuer les gens, ou bien de combattre les gens, jusqu'à ce qu'ils attestent que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, la ilaha illallah. Et il y a également d'autres hadith qui incite donc à délaisser ceux qui prononcent cette parole. Et donc ça, c'est ce que citent les associateurs. Donc ils disent: pourquoi combattre ces gens-là alors qu'ils disent la ilaha illallah, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé Usama lorsqu'il a tué un homme qui a dit la ilaha illallah. Donc ils veulent dire par cela que celui qui dit la ilaha illallah, la yakfur, il ne peut mécroire et il ne peut être combattu quoi qu'il fasse. La réponse: il nous dit que il est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les juifs et qu'il les a fait prisonniers alors qu'ils disaient eux la ilaha illallah. Également, les compagnons radiallahu anhum, ils ont combattu Bani Hanifa alors qu'ils disaient la ilaha illallah, et que Mohammed et son messager, et qu'il priait et qu'il prétendait être musulman. Également ce que Ali ibn Abi Talib radiallahu an a brûlé par le feu. Et ces mêmes polythéistes qui amènent ces arguments, ils acceptent de dire que celui qui refuse de croire à la résurrection, al-ba'th, c'est-à-dire le fait que Allah tabaraka wa ta'ala va ramener les gens à la vie, eux-mêmes ils disent: celui qui refuse de croire à ça, il mécroit et il doit être combattu, même s'il dit la ilaha illallah. Et ils disent également que celui qui refuse de croire à un pilier parmi les piliers de l'islam, celui qui, comme on a vu précédemment, celui qui refuse de croire à la prière, à l'obligation de la prière, celui qui refuse de croire à l'obligation de la zakat, du jeûne ou bien du hajj, eux-mêmes ils disent, ils mécroient. Donc ils disent que, comment dire alors que la ilaha illallah ne leur sera d'aucune utilité s'ils refusent de croire donc à un sujet comme cela, et que la ilaha illallah leur sera utile s'ils refusent de croire au tawhid, qui est la base de la religion des prophètes. Mais ils nous disent que donc ces gens-là n'ont pas compris les hadiths qu'ils citent. Le hadith de Usama, radiyallahu anhu, donc il a tué une personne qui prétendait être musulman. Car Usama, radiyallahu anhu, a pensé que cette personne a dit la ilaha illallah pour préserver, pour rester en vie. Et il nous dit que l'homme, lorsqu'il donc fait apparaître l'islam en disant la ilaha illallah, il est demandé à la personne de le laisser tranquille. Donc admettons que les musulmans sont en bataille contre des non-musulmans, une guerre religieuse. Si la personne dit la ilaha illallah, il est interdit aux musulmans de l'attaquer. Mais ensuite, ça ne veut pas dire qu'il ne l'attaquera pas toute sa vie. Ça veut dire qu'il le laisse jusqu'à ce qu'il observe comment il se comporte. Mais s'il voit de lui ensuite une chose qui est contraire à l'islam, comme par exemple du polythéisme, à ce moment-là, il peut attaquer. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre à ce sujet « Ya ayyuhallazina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu » « Ô vous qui avez cru, lorsque vous voyagez, donc fi sabilillah, pour le combat, fatabayyanu » c'est-à-dire « fatathabbatu » c'est-à-dire « renseignez-vous donc sur les gens que vous attaquez pour voir est-ce qu'ils sont musulmans ou pas. » Et il nous dit que donc ce verset nous montre qu'il est obligatoire de ne pas, ou bien qu'il est obligatoire de laisser ces gens-là tranquilles et de se renseigner. At-tathabbut. À ce moment-là, si après s'être renseigné, on voit de ces gens-là une chose qui est contraire à l'islam, ces gens-là donc sont combattus. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit fatabayyanu. Donc si cette personne n'était pas combattue, il n'y aurait pas de sens au fait que Allah tabaraka wa ta'ala a dit fatabayyanu, c'est-à-dire renseignez-vous. Également le deuxième hadith qu'ils ont cité, umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ça a le même sens que le premier, c'est-à-dire que celui qui montre qu'il est musulman par la shahada et l'islam, le musulman doit le laisser tranquille, sauf si après apparaît de lui une chose qui est contraire à l'islam. Et nous dit la preuve à ce que l'on apporte, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ensuite aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, et dit également umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ces mêmes paroles, c'est-à-dire qui a dit l'a tué après qu'il ait dit la ilaha illallah, il a dit ça à Usama, et il a dit également il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent que la ilaha illallah, et que s'ils font cela, à ce moment-là ils auront préservé leur sang et leur bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, c'est lui qui a dit, en parlant des khawarij, khawarij c'est ceux qui ont combattu Ali ibn Abi Talib radiyallahu an. Ils ont combattu Ali ibn Abi Talib radiyallahu an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà annoncé la venue de ces gens-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était en train de distribuer un butin. Et un homme est venu et lui a dit « Ya Rasulallah, ihdil. Ô prophète, sois juste dans la distribution. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Qala lahu, wayhak. Wa man ya'dil illa ma'dil. » Il lui dit « Gare à toi, qui va être juste si moi je ne suis pas juste ?» Et ensuite cet homme est parti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innahu sayakhruju min di'dihi adha ar-rajul qawmun tahqiruna salatahum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. » لئن أدركتموهم لو قتلنهم قتل عاد. وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم. الخوارج دونك سي سو كي ont combattu Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه, bien sûr que Ali ibn Abi Talib a combattu. Et le prophète sallam donc avait déjà informé les compagnons de la venue de ces gens-là. Un jour, un homme, le prophète sallam donc distribuait le butin et l'homme a dit et Adil, sois juste. Le prophète sallam a dit gare à toi, si moi je ne suis pas juste, qui va être juste? Ensuite, le prophète sallam a dit à ses compagnons, donc de cet homme sortira un peuple, taqiruna salatahum salatakum ma salatihim. C'est-à-dire que vous, lorsque vous verrez leurs prières, vous penserez alors que vos prières n'ont aucune valeur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prient beaucoup. Wa siyamakum ma siyamihim. Également, vous mépriserez vos jeûnes, votre jeûne à côté du leur. Yaqra'una al-Qur'an. Ils lisent le Coran. La yujawizu hanajirahum. C'est-à-dire que le Coran est lu par leur langue, la yujawizu hanajirahum, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas leur gorge. C'est-à-dire la lecture elle a lieu dans leur bouche, mais elle n'atteint pas leur cœur. La yujawizu hanajirahum. Il nous dit ensuite le prophète sallam, la in adraktumuhum law qatilannahum qatlahad. Si je suis vivant lorsque ces gens-là apparaîtront, je les tuerai comme Allah tabaraka wa ta'ala a tué Ad, le peuple de Hud. Et il nous dit également aynama laqitumuhum faqtuluhum. N'importe où vous trouvez ces gens-là, tuez-les. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il incite donc à combattre ces gens-là, car donc ces gens-là en général tuent les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en parlant de ces gens-là également yaqtuluna ahl al-islam wa yad'una ahl al-awthan. C'est-à-dire que ces gens-là, ils tuent les musulmans et ils délestent les polythéistes. D'accord ? Et ces gens-là, donc, ils disent « La ilaha illallah ». Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, a incité à combattre ces gens-là. Donc ça, c'est pour répondre à leur hadith qu'ils ont cité. En disant que « Comment se fait-il que vous combattez ces gens-là alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé Oussama ?» Donc il nous dit que ni leur grand nombre de d'adoration, ni le fait qu'ils prétendaient l'islam ne leur a été utile, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'ils soient combattus. Également, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les juifs, et les compagnons radiallahu anhum ont également combattu Banu Hanifa, et tous ces gens-là disaient La ilaha illallah. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on va citer le hadith, un jour il a été informé que Banu Mustalik ont refusé de donner la zakat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu envoyer un homme pour qu'il aille chercher la zakat chez Banu Mustalik. L'homme est parti et en chemin il est revenu. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam en mentant qu'ils ont refusé de me donner la zakat. Et ils ont voulu me tuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'attaquer ces gens-là jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse descendre le verset Ya ayyuhallazina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ô vous qui avez cru, lorsqu'un homme pervers vient avec vous avec une information, renseignez-vous de l'authenticité de cette information. An tusibu qawman bi jahalatin, afin de ne pas combattre un peuple par ignorance, fatusbihun ala ma fa'altum nadimin. Et à ce moment-là, vous regretterez ce que vous avez fait. Donc, ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès le moment où il a été informé qu'ils ont refusé de donner la zakat, il a voulu les combattre, malgré qu'ils disent la ilaha illallah et qu'ils prient. Donc, tout cela prouve que ce qu'ils ont cité comme hadith, leur sens est ce que nous avons cité. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle dit « La ilallah », on la laisse. Mais si, après cela, une chose, un acte apparaît contraire à l'islam, à ce moment-là, la personne est combattue. Usama ibn Zayd, radiyallahu an, وحب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، يعني اسم مكان لغزوة، فصبحنا القوم وهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعد من قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. والحديث في الصحيحين. Donc le hadith de Usama ibn Zayd رضي الله عنه. Donc dans Al-Bukhari et Muslim, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à un endroit qui s'appelle Al-Huraqa pour combattre donc un peuple. Il nous dit que nous les avons attaqués le matin et nous avons pris le dessus sur eux. Et il nous dit, j'ai rattrapé, ou bien nous avons rattrapé, moi et un homme parmi l'Ansar, un autre homme qui s'enfuyait. Et lorsque nous l'avons rattrapé, il a alors dit, La ilaha illallah. L'Ansari, lorsqu'il a entendu La ilaha illallah, il a laissé cet homme. Usama ibn Zayd nous dit, moi je l'ai tué avec ma lance. Je l'ai tué avec ma lance. En arrivant à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de ce qui nous était arrivé et il m'a dit, ô Usama, l'as-tu tué après qu'il ait dit La ilaha illallah? Qultu kana muta'awwidhan. Il a dit, il a fait ça pour que je ne l'attaque pas. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de dire, aqataltahu ba'da an qala La ilaha illallah. C'est-à-dire, l'as-tu tué après qu'il ait dit La ilaha illallah? Il n'a pas cessé de répéter cela. Il nous dit hatta tamannaytu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm. Il dit jusqu'à ce que j'aurais souhaité ne pas être musulman ce jour-là. Donc il a été très affecté par le fait que le prophète ne cessait de répéter cette parole en disant l'as-tu tué après qu'il ait dit la ilaha illallah. Idhan al-mushrikun yahtajju bi hadha al-hadith على أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل مهما فعل. Donc eux, ils ont cité ce hadith pour dire que celui qui dit la ilaha illallah, il ne peut mécroire, il ne peut être combattu quoi qu'il fasse. Car le prophète sallam donc a blâmé Usama ibn Zayd qui a tué cet homme. الجواب كما أجاب عن هذه الشبهة المؤلف رحمه الله أن من أظهر الإسلام فقال لا إله إلا الله وجب الكف عنه ولكن هذا الكف هو كف مؤقت حتى ننظر هل هذا الرجل ثابت على الإسلام أم إنه سيأتي بما يناقض الشريعة فإن جاء بما يناقض الشريعة فإنه يكفر ويقتل وإن قال لا إله إلا الله. Donc on a dit comme tout à l'heure, celui qui montre l'islam en disant la ilaha illallah, il est demandé aux musulmans de le laisser. Mais ensuite, donc les musulmans observent. Si cette personne ensuite, dans l'avenir, juste après avoir dit la ilaha illallah, fait une chose contraire à l'islam, une chose contraire au tawhid, à ce moment-là, les gens statuent qu'il n'est pas musulman et doivent le combattre, même s'il dit La ilaha illallah. Idhan inkar Usama radiyallahu an kana ala an la yaqtulahu ba'da an qala La ilaha illallah. Man talaba min Usama an la yaqtulahu hatta yanzur. Yani ولهذا قال اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله. يعني لماذا ما انتظرت حتى ترى هل هو صادق أم لا؟ Donc le prophète sallam il a blâmé Usama car il l'a tué juste après avoir dit la ilaha illallah. C'est comme s'il lui avait dit pourquoi n'as-tu pas attendu de voir s'il est sincère ou pas? Attends de voir est-ce que justement il est prêt à s'engager dans l'islam, prêt à unifier Allah tabaraka wa ta'ala, prêt à l'adorer seul? Donc c'est ça le blâme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi n'as-tu pas attendu afin donc de voir réellement comment était cet homme, était-il sincère ou pas? Wa li'adha qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ba'd ar-riwayat ashaqaqta an qalbi. Il lui a dit, lorsqu'il lui a dit qala dhalika muta'awwidan, il a dit ça pour se protéger. Il lui a dit ashaqaqta an qalbi, c'est-à-dire lui as-tu ouvert la poitrine pour nous dire qu'il a fait cela pour se protéger? Donc il demandait à Oussama de laisser cet homme et d'observer pour voir s'il est sincère ou pas. وذكر المؤلف رحمه الله آية وهي آية سورة النساء يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فهذه الآية تدل على أنه يجب الكف والتثبت حتى يتبين من هؤلاء بعد ذلك ما يخالف الإسلام. Donc lui, l'auteur, rahimahullah, il a cité donc également le verset qui est descendu à propos de cette histoire. Le verset de Surat Nisa, « Ô vous qui avez cru, lorsque vous partez fi sabilillah, lorsque vous voyagez fi sabilillah, fatabayyanu. » C'est-à-dire, assurez-vous donc de la croyance de ces gens. C'est-à-dire que vous ne devez pas les combattre, mais vous renseignez sur ces gens. Mais si après donc apparaît que ces gens font des choses contraires à l'islam, à ce moment-là, vous pouvez les combattre. Donc c'est pour ça qu'il a dit fatabayyanu. كذلك ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود. قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله. اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله. ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. يعني نحن نقولها وأنتم تقولونها. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Donc l'auteur rahimahullah a également cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les juifs donc à son époque, alors que eux ils disaient la ilaha illallah, nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Et ce qui prouve que les juifs également disaient cette parole, le fait que Allah dans le Coran, dans surat Al-Imran, il nous dit قُلْ يَا أَلَى الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Ô vous gens du livre, venez vers une parole commune entre nous et vous. أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ. Le fait de n'adorer personne en dehors d'Allah. وَلَا نُشْرِكَ بِشَيْئًا. Et de ne rien lui associer. فَإِنْ تَوَلَّوْا وَلَا اتَّخِذَ بَعْضُنَا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Et de ne pas nous prendre mutuellement comme Seigneur. S'il se détourne, donc attestez alors que nous sommes musulmans. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il appelle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé les juifs et les chrétiens à une parole semblable entre eux. Mais donc il n'y avait pas de chrétiens à Médine. Donc il y avait les juifs et malgré cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus dès qu'ils ont fait une chose contraire donc à l'islam, malgré qu'ils disaient la ilaha illallah. Également, comme on a cité précédemment, les compagnons radiallahu anhum qui ont combattu Bani Hanifa à partir du moment où ils ont élevé Moussa Ilama au rang de prophète, malgré qu'ils priaient, ils jeûnaient, ils priaient le Jama'a ou le Jumu'a, mais dès qu'ils ont fait cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus alors qu'ils disaient la ilaha illallah. Également ceux que Ali ibn Abi Talib radiallahu an a brûlé par le feu lorsqu'ils ont dit antahu man ana qalu lahu antahu antahu qala lahum wayhakum man ana qalu lahu anta rabbuna fa qala irji'u wa tubu fa abaw fa hafara lahum ukhdudan wa awqada naran wa ramahum fi an-nar. Donc Ali ibn Abi Talib, comme on a cité la semaine dernière, des gens lui ont dit tuez lui. Il a dit qui suis-je? Ils lui ont dit tuez lui. Il a dit qui suis-je? Ils lui ont dit tuez notre Seigneur. Il leur a alors dit revenez et répentez-vous. Et ils ont refusé. Ali ibn Abi Talib radiallahu an a alors creusé des fossés dans lesquels il a allumé le feu et les a jetés dans le feu. Et Ibn Abbas radiallahu anhuma l'a blâmé en lui disant لو كنت أنا ما قتلتهم بالنار لأنه لا يعذب بالنار إلا ربها. Si j'étais moi, je ne les aurais pas tués par le feu. Mais car nul ne peut châtier par le feu en dehors du Seigneur du feu, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. وكن يقول ولكن قتلتهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتله. Mais je les aurais quand même tués, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui change de religion, tuez-le. كذلك الخوارج قتلوا مع انهم يقولون لا اله الا الله وهم يكثرون من العباده ومن تلاوه القران ومن الصلاه والصيام. Également les khawarij qu'on a cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les combattre malgré qu'ils disaient La ilaha illallah, et que Mohammed et son prophète, ils priaient beaucoup, ils jeûnaient, même qu'ils priaient plus que les autres, ils jeûnaient plus que les autres. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'ils soient combattus. Donc tout ça pour prouver que la personne qui dit la ilaha illallah peut être combattue. Et l'auteur a cité également comme preuve que vous-même, vous reconnaissez que dans certains cas, la personne peut dire la ilaha illallah et m'y croire. Vous-même, vous reconnaissez que celui qui ne croit pas à la résurrection, mais croit automatiquement. Donc comment refuser de croire que celui qui refuse d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala. Également, vous acceptez de dire que celui qui refuse de croire à l'obligation d'un des piliers de l'islam, il a mécru. Celui qui refuse de croire à l'obligation de la prière, de la zakat, du jeûne ou du hajj, il a mécru. Donc comment refuser de croire que celui qui n'unifie pas Allah tabaraka wa ta'ala, reste musulman même s'il dit la ilaha illallah. Al-mu'allif rahimahullah dhakara ba'da hadhihi al-adilla fi shubhati at-tasi'a wa a'adaha huna. Wal farq bayna hadhihi ash-shubhati was-sabiqa anna fi as-sabiqa kana al-istidlal ala mas'alati at-takfir wa huna ala mas'alati al-qital. Wa huna ala mas'alati al-qital wa farq bayna at-takfir wal-qatl. Donc précédemment, l'auteur, rahimahullah, il a cité à peu près les mêmes preuves. Il a cité Ali ibn Abi Talib avec les gens qu'il a brûlés. Il a cité Banu Hanifa. Il a cité également que celui qui ne croit pas à la résurrection, celui qui refuse de croire à un pilier de l'islam. Et il les a recités ici. Donc ce n'est pas une répétition. Dans la neuvième ambiguïté, c'était pour parler du fait de statuer de la mécréance de ces gens-là. Donc du fait qu'ils n'ont pas unifié Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration. Et ici, c'est sur le fait qu'ils soient combattus. Le fait qu'ils soient combattus. Donc il se peut que certaines preuves aillent pour les deux, mais ce n'est pas donc une répétition de ces preuves. Thumma, al-mu'allif rahimahullah, ou al-mushrikoun, dhakaru hadith Abdillah ibn Omar, رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. Donc ils ont cité également comme preuve le hadith où le prophète صلى الله عليه وسلم dit il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et s'ils font cela, ils auront à leur préserver leur bien et leur sang, illa bihaqqiha, sauf dans, comment il traduit ça ? N'allez pas dans le livre. Ça. Donc ça c'est la suite du hadith. Sauf pour des droits de l'islam. Donc ils auront préservé leur foi, leur sang et leur bien, sauf pour des droits de l'islam. هذا الحديث هو بمعنى حديث أسامة. معنى ذلك أن من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم دمه وماله ولكن مؤقتا حتى نتثبت ونتبين. فإن بان منه ما يخالف الإسلام وما يخالف التوحيد وما يخالف لا إله إلا الله قتل على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، والتوحيد من أعظم حقوق الله تبارك وتعالى، وكذلك الصلاة والزكاة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول إلى الله وأنا محمد الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعل ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم dit il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent que la ilaha illallah et Muhammad son messager, qu'ils accomplissent la prière et donnent la zakat. S'ils font cela, à ce moment-là, ils auront préservé leur sang et leur bien. Illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah. Donc, sauf dans le droit de l'islam, et leur jugement appartient à Allah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas exclu ici qu'ils soient combattus à partir du moment où ils disent la ilaha illallah. Donc, c'est pour ça qu'il a dit illa bihaqqiha. Donc, celui qui refuse d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas accompli les droits de l'islam. ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير يا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.